Juges chapitre 14. Or Samson étant descendu à Tana, il y eut une femme d'entre les filles des Philistins. Et étant remonté en sa maison, il le déclara à son père et à sa mère, en disant, « J'ai vu une femme à Tana d'entre les filles des Philistins, maintenant donc prenez-la, afin qu'elle soit ma femme. » Et son père et sa mère lui dirent, « N'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères, et parmi tout mon peuple, que tu ailles prendre une femme d'entre les Philistins, ces incirconcis ?» Et Samson dit à son père, « Prenez-la moi, car elle plaît à mes yeux. » Mais son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait que les Philistins lui donnassent quelque occasion. Or en ce temps-là les Philistins dominaient sur Israël. Samson donc descendit avec son père et sa mère à Tana, et ils vinrent jusqu'aux vignes de Tana, et voici, un jeune lion rugissant venait contre lui. Et l'Esprit de l'Éternel ayant saisi Samson, il déchira le lion comme s'il eût déchiré un chevreau, sans avoir rien en sa main, mais il ne déclara point à son père ni à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit donc, et parla à la femme, et elle lui plut. Puis retournant quelques jours après pour la prendre, il se détourna pour voir la charogne du lion, et voici il y avait dans la charogne du lion un essaim d'abeilles, et du miel. Et il en prit en sa main, et s'en alla son chemin, en mangeant, et étant arrivé vers son père, et vers sa mère, il leur en donna, et ils en mangèrent, mais il ne leur déclara pas, qu'il avait pris ce miel dans la charogne du lion. Son père donc descendit vers cette femme, et Samson fila un festin, car c'est ainsi que les jeunes gens avaient accoutumé de faire. Et sitôt qu'on l'eut vu, on prit 30 compagnons, qui furent avec lui. Et Samson leur dit, « Je vous proposerai maintenant une énigme, et si vous me l'expliquez pendant les 7 jours du festin, et la trouvez, je vous donnerai 30 linges, savoir 30 robes de rechange. Mais si vous ne me l'expliquez pas, vous me donnerez 30 linges, savoir 30 robes de rechange. » Et ils lui répondirent, « Propose ton énigme, et nous l'entendrons. » Et il leur dit, « De celui qui dévorait est procédé la viande, et du fort est procédé la douceur. » Mais ils ne purent en 3 jours expliquer l'énigme. Et au 7e jour, ils dirent à la femme de Samson, « Persuais-la ton mari de nous déclarer l'énigme, de peur que nous ne te brûlions au feu, toi et la maison de ton père. » Nous avez-vous appelé ici pour avoir notre bien n'est-il pas ainsi? La femme de Samson donc pleura auprès de lui, et dit, certainement tu me hais, et tu ne m'aimes point, n'as-tu pas proposé une énigme aux enfants de mon peuple, et tu ne me l'as point déclarée? Et il lui répondit, voici, je ne l'ai point déclarée à mon père ni à ma mère, et te la déclarerai-je? Elle pleurait ainsi auprès de lui durant les 7 jours du festin, mais au 7e jour il la lui déclara, parce qu'elle le tourmentait, puis elle la déclara aux enfants de son peuple. Les gens de la ville donc lui dirent au 7e jour, avant que le soleil se couchât, qu'y a-t-il de plus doux que le miel, et qu'y a-t-il de plus fort que le lion? Et il leur dit, si vous n'eussiez point labouré avec ma génisse, vous n'eussiez point trouvé mon énigme. Et l'Esprit de l'Éternel le saisit, et il descendit à Ascalon, et ayant tué 30 hommes de ceux d'Ascalon, il prit leurs dépouilles, et donna les robes de rechange à ceux qui avaient expliqué l'énigme, et sa colère s'enflamma, et il monta en la maison de son père. Et la femme de Samson fut mariée à son compagnon, qui était son intime ami.